C'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Alors moi, il y a bon. Marqué transmit là. Ouais. Alors c'est moi, il y a marqué transmit là. Ah, moi, ça y est aussi, ouais. Transmet. Bah donc, quand on clique la lumière rouge, faut cliquer ou pas? Pardon? Quand on clique la lumière rouge. Quelle lumière rouge? Non, quand on clique sur transmit, ça devient transmit et lumière rouge. Normalement, ah non, c'est quand. Non, quand c'est vert, c'est bon. Quand tu mets sur rouge, c'est que tu désactives. Vas-y, joue, je sais pas. Allô, allô, allô, allô. Allô, allô, allô. Allô, allô. Allô. Ouais, bah nous, allô, on n'a pas ouais. Grand chose. Hein. Ouais, bah nous, on n'a pas grand chose. Bah, moi, ouais, je. Bah, je t'entends, tu m'entends là non, je t'entends pas sur le. Hein bah, j'ai ton bar graph qui bouge. Ouais, vachement aussi, longtemps ouais, après. Non, laisse ouais, tomber. Aussi, c'est laisse tomber. Non, allez. Laisse tomber. On oublie. Laisse tomber. Allez. On oublie. On oublie. Ok. Parce que là, d'accord. Je crois, à chaque fois, on n'y arrive pas. Donc, on avait déjà essayé. Moi, j'étais à Bouffémont pas. Et toi, chez toi. On avait déjà essayé. Moi, j'étais à Bouffémont et toi, chez toi. Alors, Jean-Pierre. Jean-Pierre. C'est ça. Il y a quelqu'un qui s'est connecté, mais bon. C'est ça. Qui s'est connecté, mais bon. Bon, bah, les jojos, c'est pas grave. Ciao. Bon, bah, les jojos, c'est pas grave. Bon. Ouais, ou je ok, sais pas, on si arrête tu là. On joue un peu sur ouais, l'autre là, Jam pas, Tabac, si c'est ça peu, non, pas Jam Tabac, Jamulus. Comme tu veux. Jamulus bon, ouais, on se remet si veux, sur, bah, ouais, sur Jamulus. Si alors, on sur Jamulus, on était sur Petites Écuries. Hein, oui, c'est ça, on Petites Écuries. Tout à fait, tout à fait. Non, on retourne là-dessus.